بسم الله الرحمن الرحيم. ندخل اليوم في سورة الأحزاب, ce qu'ils appellent les coalisés. Et on passe également des versets, hein. Certains qui se répètent et d'autres qui sont un peu compliqués à expliquer. في المسألة الخامسة وأربعين بعد المئة 145e مسألة في قوله تعالى وأزواجه أمهاتهم. Dans le sens où Allah est dit, et que ces femmes, c'est-à-dire le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sont leurs mères. Verset 6. Les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont leurs mères. قال هذه الآية الكريمة تدل بدلالة الالتزام على أنه صلى الله عليه وسلم أب لهم لأن أمومة أزواجه لهم تستلزم أبوته أو أبوته صلى الله عليه وسلم لهم. Donc ce verset prouve par implication, qu'on appelle dalalat al-iltizam, ce que cela implique, que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est un père pour eux également, pour les croyants. Car le fait d'attribuer cette maternité à ses femmes implique de lui attribuer à lui la paternité. قال وهذا المدلول عليه بدلالة الالتزام مصرح به في قراءة أبي بن كعب لأنه يقرأها وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم. Également, cela apparaît dans une, clairement dans une récitation de Ubay ibn Ka'b, car lui lisait tout simplement que ses femmes, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sont leur mère et lui, il est un père pour eux. Et également, cette récitation était attribuée selon Ibn Abbas, radiallahu anhu. قال وقد جاءت آية أخرى تصرح بخلاف هذا المدلول عليه بدلالة الالتزام والقراءة الشاذة ويقول تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. Donc un autre verset est venu qui montre l'opposé de cela, qui démontre l'opposé justement de cette preuve par implication et également par ce qui réfute cette récitation attribuée à Ubay ibn Ka'b et Ibn Abbas, qui est elle-même Shahadha, qui est marginale. C'est la parole dans le sens où il dit, et que Mohammed n'était le père d'aucun de vos hommes. Que Mohammed n'est le père d'aucun de vos hommes. Verset 40, dans la Surat al-Ahzab kazalik. Donc là, on a un verset qui renie le fait que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam soit le père de l'un d'entre nous, et le verset cité de base implique, sans que, pour autant qu'il soit clair, mais implique que si ces femmes sont nos mères, alors que lui aussi il est un père pour nous. قال والجواب ظاهر وهو أن الأبوة المثبتة دينية والأبوة المنفية تنية وبهذا يرتفع الإشكال في قوله تعالى وأزواجه أمهاتهم مع قوله وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. Donc maintenant, la parole, la réponse, elle est claire. C'est tout simplement que la paternité qui, elle, est refusée, qui est niée dans le Coran, c'est la paternité par rapport à la terre. C'est-à-dire que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas notre père. Contrairement à Adam alayhi salam. Nous sommes tous créés de terre. Nous sommes tous des frères. Notre père, c'est Adam. Donc c'est de ce côté-là que Allah azza wa jalla dit que le Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'est le père d'aucun d'entre nous. Et par contre, la paternité, elle, qui est affirmée, c'est la paternité religieuse. Que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a un statut de père pour nous. Et de walid am. C'est pour ça que dans certains versets ou certains hadiths montrent qu'il a parlé seul avec des femmes. Ou qu'il se mariait sans wali. Car il avait lui-même statut de wali et de père. Et dans le sens où Allah a dit, et si jamais vous les interrogez, c'est-à-dire les femmes, quelconque besoin, alors interrogez-les ou demandez-leur de d'ailleurs un voile. Verset 53. إذ يقال كيف يلزم الإنسان أن يسأل أمه من وراء حجاب. Donc il dit comment se fait-il que la personne demande une chose à sa mère de derrière un voile. والجواب ما ذكرناه الآن فهن أمهات في الحرمة والاحترام والتوقير والإكرام لا في الخلوة بهن ولا في الحرمة بناتهن ونحو ذلك والعلم عند الله تعالى. Donc la réponse, tout simplement ce que nous venons de dire actuellement, c'est qu'en fait elles sont les mères des croyants, c'est-à-dire dans le fait qu'elles leur sont interdites et qu'ils doivent les respecter et qu'ils doivent les honorer. Et non pas dans le fait qu'ils sont à leur mère, dans le fait qu'ils peuvent s'isoler avec elles, comme une mère le ferait avec son fils ou avec son frère ou Rel Zalika. Donc ce n'est pas la même chose. Maternité religieuse et les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam restent interdites pour tout autre, toute personne après sa mort, sallallahu alayhi wa sallam. Et elles restent nos mères. Et donc on doit leur rendre leur droit de mère, c'est-à-dire par la bienfaisance, par l'obéissance, fil ma'aruf, par le respect et le fait de les défendre, yani d'un amour basé sur la foi. هذا والذي أراد المؤلف رحمه الله تعالى في هذه المسألة. والحمد لله رب العالمين.